Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 76. De l'union de l'âme avec le corps. L'âme est unie au corps comme sa forme, pluralité des âmes, chaque homme n'a qu'une âme. Convenance du corps et de l'âme, où est l'âme? 1. L'âme est-elle la forme du corps? Note. En d'autres termes, l'âme est-elle l'être du corps humain? Pour saint Thomas, la forme est ce qui fait qu'un être est ce qu'il est, ce qui constitue l'être dans telle ou telle nature. Fin de la note. Ce qui fait que notre corps est vivant, c'est l'âme. L'âme, voilà en nous la première cause de toute opération vitale, de la nutrition, de la sensibilité, du mouvement et de la pensée. La conséquence, n'est-ce pas qu'elle est l'être ou la forme du corps? Si quelqu'un prétend que l'âme n'est pas la forme actuelle de notre corps, il devra nous montrer comment l'action qui consiste à connaître est l'action propre d'un homme. Nous sentons très bien que nous sommes cet être même qui connaît. Comment se pourrait-il faire encore que l'homme sent et comprend qu'il sent, si le principe intellectuel n'était pas uni au corps comme forme du corps lui-même? Le même homme pourrait-il, sans cela, se rendre compte de son intelligence et de ses sensations? Note. L'âme humaine communique à la matière corporelle l'être par lequel elle subsiste, en sorte que de la matière et de l'âme il résulte un tout complet. L'être du composé demeure en même temps celui de l'âme elle-même, et c'est pour cela que l'âme persévère dans son être, même après la destruction du corps. Il ne faut pas s'imaginer que l'âme humaine soit plongée dans la matière corporelle et totalement embrassée par elle, sa perfection se refuse à cette idée, elle a des puissances qui sont indépendantes du corps, bien qu'elle soit la forme du corps par son être tout entier. Fin de la note. 2. L'âme intelligente se multiplie-t-elle suivant le nombre des corps? Si Socrate et Platon n'avaient qu'une seule âme, de quelque manière que l'on entend de l'union de l'intelligence avec l'homme, ils ne formeraient qu'un seul individu. En effet, là où il n'existe qu'un agent qui a deux instruments à sa disposition, il y a deux actions, mais on ne parle que d'un seul agent. Quand je touche deux objets avec mes mains, il y a deux contacts, mais un seul être qui touche. Et si nous ajoutons que l'intelligence humaine accomplit une action propre qui consiste à comprendre, il s'ensuivra que tous les hommes n'auraient qu'une seule et même pensée à l'égard du même objet, ce qui est une absurdité. C'est donc une chose impossible qu'il n'y ait pour tous les hommes qu'un seul entendement. Note. Cette thèse est dirigée contre Averroès, panthéiste arabe, commentateur d'Aristote. Averroès, en dépouillant l'homme de sa personnalité par l'établissement de l'unité du principe intelligent, limitait ainsi notre existence à celle de notre corps. Saint Thomas, dans tous ses ouvrages, revient contre l'hypothèse de l'unité de l'entendement. Il a même écrit sur ce sujet un traité spécial qui paraît dirigé contre les Averroïdes de l'Université de Paris. Voir De unitate intellectus contra Averroistas. Fin de la note. 3. Y a-t-il dans l'homme, avec l'âme intelligente, d'autres âmes qui en soient distinctes par leur essence? L'âme de chaque homme est une et unique, vivifiant le corps par son union avec lui et se dirigeant elle-même par les lumières de la raison. L'être animé ne serait pas un, s'il avait plusieurs âmes. Où serait, en effet, le principe qui contiendrait ces âmes diverses, pour les ramener à l'unité? Comment l'homme serait-il un, s'il tenait de l'âme végétative sa qualité d'être vivant, De l'âme sensitive, sa qualité d'être animé. De l'âme intelligente, sa qualité d'être raisonnable. Quel est le sujet qui contiendrait ces âmes? Le corps? Non, car l'âme contient le corps et en fait un être un, plutôt que le corps ne contient l'âme. Il n'y a donc dans l'homme qu'une seule âme, qui est à la fois nutritive, sensitive et intellective. Note. On sera apparemment étonné de rencontrer de telles questions dont la solution paraît évidente, au premier coup d'œil, mais, comme un philosophe nommé Jacques, et plusieurs Syriens après lui, ont prétendu qu'il y a dans l'homme une âme animale, mêlée au sang, et une autre âme spirituelle, qui serait la source de la raison, on s'explique aisément pourquoi saint Thomas s'arrête à prouver que l'âme de l'homme est une et identique, vivifiant le corps par son union avec lui et se dirigeant elle-même par la raison. On peut comparer les diverses âmes à des figures de géométrie dont l'une comprend l'autre en la dépassant, ainsi la figure tétragone est surabondamment renfermée dans la figure pentagone. Socrate n'est pas un être animé par une âme et homme par une autre, il a ces deux qualités à la fois par une seule et même âme qui renferme virtuellement, suréminemment, toutes les autres, je veux dire l'âme raisonnable. Fin de la note. 4. Y a-t-il dans l'homme une autre forme substantielle que l'âme intelligente? Un être ne peut avoir qu'une forme substantielle. Or, telle est l'âme intelligente dans l'homme, c'est elle qui communique à notre corps sa raison d'être, puisque c'est par elle que notre corps est un corps vivant et humain. Il faut donc en revenir à dire qu'il n'y a dans l'homme aucune forme substantielle autre que l'âme intelligente, qui contient l'âme sensitive et l'âme nutritive. 5. Y a-t-il des rapports de convenance entre l'âme intelligente et le corps auquel elle est unie? L'âme intelligente possède tout à la fois la faculté de comprendre et la faculté de sentir. Comme la sensation n'a lieu que par le moyen d'un instrument corporel, il fallait que l'âme fût unie à un corps capable de sentir, qui, pour cet effet, eut le toucher comme base de tous les autres sens. Dès lors, il devenait nécessaire que l'homme fût placé entre des choses contraires, comme le chaud et le froid, l'humidité et la sécheresse, afin que son tacte fût plus délicat. Par suite, il fallait que le corps auquel l'âme intelligente est unie fût un corps mixte avec un tempérament qui le constituait dans un certain milieu entre les choses sensibles. Le nôtre est pourvu de tous ses avantages. Note. Les hommes dont le tact est le plus délié ont généralement plus d'intelligence que les autres. Les hommes d'un corps délicat, a dit Aristote, sont les plus intelligents. 6. L'âme est-elle unie au corps par quelques dispositions accidentelles? Si l'âme était unie au corps seulement comme son moteur, il serait nécessaire qu'il y eût entre elle et le corps certaines dispositions intermédiaires. Mais, puisqu'elle est unie au corps comme sa forme substantielle, il est impossible d'imaginer une disposition accidentelle quelconque entre elle et lui, pas plus qu'entre toute autre forme substantielle et sa matière. 7. L'âme est-elle unie au corps humain par l'intermédiaire de quelque corps? Encore une fois, si l'âme n'était que le simple moteur du corps, on pourrait et on devrait chercher quelque corps intermédiaire entre elle et son mobile, mais l'âme et le corps ne formant qu'un seul être, comme nous l'avons démontré. C'est l'âme elle-même qui donne l'existence au corps et le met en activité. Note. On ne demande pas, dit Aristote, si la figure qui est empreinte sur la cire est unie à la cire par quelque corps intermédiaire. Fin de la note. 8. L'âme est-elle tout entière dans chaque partie du corps? L'âme, répond saint Augustin, est tout entière dans la totalité du corps, est tout entière dans chaque partie du corps. Il faut nécessairement que l'âme soit dans tout le corps et dans chacune de ses parties, puisqu'elle est la forme, non accidentelle, mais substantielle du corps. Une telle forme donne l'être, non seulement au tout, mais à chaque partie du tout. Aussi, quand l'âme a disparu, il n'y a plus, à bien dire, ni animal, ni homme, aucune partie du corps ne possédant plus son opération propre. L'âme était donc dans tout le corps et dans chaque partie du corps. Note. Quoique l'âme soit tout entière dans le tout et les parties, elle ne s'applique pas également et de la même manière au tout et à chaque partie. Elle est tout entière dans chaque partie par sa totalité d'essence, mais elle n'y est pas selon sa totalité de vertu, puisque chaque partie n'est pas douée de la même faculté, l'âme est en quelque sorte dans l'œil pour la vue, dans l'oreille quant à l'ouïe, et ainsi des autres facultés. Elle est unie au tout d'abord et par soi comme au sujet propre qu'elle doit animer, elle est unie secondairement aux parties, à raison de la relation des parties avec le tout. Mais il faut savoir aussi qu'elle a des puissances qui dépassent toute la capacité du corps, telles sont l'intelligence et la volonté. On ne saurait dire que de pareilles puissances résidant dans une partie du corps. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020. Extrait du tome 1er. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.